dans tout ce que tu rencontres, sache quelle vérité elle y est à ce qui est devant toi. Poursuivre la volonté de Dieu sans savoir la vérité, c'est vain et aveugle, ça ne mènera à rien. Votre état joue-t-il un rôle dans votre façon de saisir la vérité? Te demandes-tu dans tes situations quelle vérité sonne vraie? Cherche les parts de vérité dans les paroles de Dieu qui sont liées à cela. Puis cherche le chemin qui est bon pour toi. Ça t'aidera à savoir la volonté de Dieu en tout. Votre état joue-t-il un rôle dans votre façon de saisir la vérité? Te demandes-tu dans tes situations quelle vérité sonne vraie? Cherche ces vérités, tu trouveras sa volonté dans tout ce que tu fais. Chercher, pratiquer la vérité, c'est différent que de se tenir à une formule ou une doctrine. La vérité n'est ni équation ni loi, c'est la vie. Elle est vivante. C'est la règle que l'homme doit suivre. Une chose nécessaire dans ta vie, donc suis cette pensée dans toute ton expérience. Votre état joue-t-il un rôle dans votre façon de saisir la vérité? Te demandes-tu dans tes situations quelle vérité sonne vraie? Votre état joue-t-il un rôle dans votre façon de saisir la vérité? Te demandes-tu dans tes situations quelle vérité sonne vraie? Cherche ces vérités, tu trouveras ça.